Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui il me paraissait important de parler de la cause animale, ce que l'on appelle le plus communément possible, ces animaux qui souffrent et qui n'ont pas de voix. Et aujourd'hui j'avais très envie de leur donner la parole à travers la voix de Céleste Torino. Bonjour Céleste. Bonjour Sarah, bonjour Je tout le suis monde. Vraiment ravie et honorée que vous ayez accepté cette invitation. La cause animale me parle beaucoup et quand je vous ai suivi sur les réseaux, je me suis dit il faut impérativement qu'elle vienne parler au micro de Caprice de lecture. Donc merci à vous du fond du cœur. Merci pour eux surtout. Vraiment. Alors Céleste, on va parler donc de votre dernier roman, Gento & Co, Apprivoiser le bonheur. C'est un livre auto-édité. Oui. D'accord. Donc en plus, vous avez ce courage-là d'aller dans l'auto-édition. Pourquoi je dis en plus ? Parce que Céleste, je découvre à la lecture de votre livre les galgos espagnols et leur triste sort. Oui, c'est ça. Avant ouais. même de mettre le nez dans votre livre, j'avais vu quelques vidéos que vous aviez publiées comme ça sur votre compte, un peu sur les réseaux. Mais je ne connaissais pas ces chiens. Et donc, Gento, qui est un chien, donc un galgo espagnol, voilà, vous le faites parler dans ce roman. Pourquoi oui. c'est lui ? Pour toucher peut-être plus les gens encore, parce que toutes les émotions sont vues à travers les yeux du chien, et donc le rendre peut-être plus réel pour les lecteurs. Vous allez plus toucher vos lecteurs en le faisant parler lui. Les gens sont complètement dépassés par ce qu'ils lisent et en fait passent par un panel d'émotions encore plus intense. C'est encore plus fort si c'est le chien qui leur parle. C'est ce qu'ils disent, ouais. Gento est toujours parmi vous ? Oui, ça va faire 5 ans au mois de janvier que nous l'avons recueilli. Ça va faire 5 ans, vous l'avez recueilli. Il se passe quoi avec Gento tous les jours ? Qu'est-ce que vous voyez dans ses yeux ? Eh bien, il a vraiment les yeux miroirs de l'âme. C'est-à-dire que même sans communication animale, pour ceux qui y croient, on sait ce qu'il veut. On sait ce qu'il pense. Vous parlez à travers les yeux. On se parle avec les yeux, oui. Parce que quand on lit votre roman, il vous appelle Moment. Oui. Et on sent qu'il y a une connexion juste incroyable. Oui. Vous avez combien de galgos aujourd'hui chez vous ? Donc, on en a de nouveau 3. On en avait 3 jusqu'au mois d'avril. On avait notre Lugo que nous avons adopté donc, maintenant, il y a plus de 7 ans. Ok. Qui était vraiment mon loulou, mon chien, mon binôme. Voilà. On l'a eu 6 ans, on l'a adopté à 6 ans, Ok. Et il est décédé de problèmes cardiaques donc, au mois d'avril. D'accord. Je n'arrive pas à m'en remettre. C'est normal. C'était votre âme sœur. Donc, je n'y arrive pas du tout. Et donc, dans les 2 années qui ont suivi, on a adopté Ral. On l'a eu à 13 mois. Ok. Dans le livre, c'est la truffe molle. Ouais. Monseigneur de la truffe molle. J'aime beaucoup le petit surnom comme ça. Et donc, Gento, qui est arrivé quelques temps après, à 6 ans. À 5 ans. Ok. Donc, gros trauma. Tous les 3 du même refuge espagnol. Ok. À Pedro Muñoz. En gros, 150 km en dessous de Madrid. Ok. Et Loli a accepté de nous le confier parce qu'elle nous connaissait déjà. Oui. La dame donc du refuge espagnol. Okay. Et elle ne confie pas un grand, grand trauma en première intention, en première adoption. D'accord. Ce qui est compréhensible. Compréhensible. Et même si les gens sont pleins de bonne volonté, il y a aussi une démarche à avoir avec, que ce soit avec le chien ou dans la famille, quand il arrive dans la famille. Et puis, si encore en plus, il y a d'autres chiens. Voilà. Voilà. Et Loli souhaite que, justement, il y ait un chien bien dans ses patounes. Okay. Je travaille beaucoup par mimétisme, je l'explique aussi dans le livre. Oui. Et donc, à ce moment-là, si un va bien, il va se remettre un petit peu en question plus profondément, plus rapidement. Okay. Notamment pour la propreté, pour manger. Vous en parlez comme un petit enfant. Je trouve ça extrêmement touchant et extraordinaire. Moi, j'ai un chien qui ne fait pas partie de cette race-là et qui n'a pas eu autant de traumas, mais je retrouve tellement ce que vous dites. D'un regard, on se comprend. D'un geste ou des choses complètement qu'on fait par habitude sans même plus s'en rendre compte parce qu'ils font partie de la famille en fait. Ils sont là et ça pose de problème à personne qui nous demande un truc, que je suis obligée d'ouvrir la fenêtre 300 fois parce qu'elle a envie de sortir mais il pleut, elle veut rentrer. Voilà. C'est normal. Alors justement, on parle de ces connexions. Pourquoi cette race de chien, le galgo espagnol ? Moi, je suis obligée d'aller fureter sur Internet quand même, parce que je me dis, je ne vais pas paraître bête devant Céleste. Quand même, que je travaille un peu mon sujet. J'ai lu le bouquin, il est extrêmement touchant et vivant. Vous y mettez aussi une note de positif et d'espoir. Toujours, dans tous mes romans. On ne tombe pas dans le pathos, tout ça. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et alors, ça démarre comment l'histoire avec les galgos espagnols? C'est très très vieux, donc ouais. Si vous avez vu ma bio, j'étais assistante véto pendant 15 ans. Et donc, on avait les animaux du CREL. À l'époque, c'était une association à Courcieux. D'accord. Qui faisait rentrer des chiens galgos ou podenco. Donc, c'est une autre forme de livrée. De galgo, d'accord. Voilà, donc sur le territoire. Et tout ce qui était problème oculaire ou de peau, venez voir le docteur Bidot, chez qui je travaillais comme assistante. Vous étiez assistante, ok. Voilà. Donc là, j'ai déjà eu vent de cette race-là. Et puis, on avait une éleveuse de Barzoï également sur Chirmec qui venait voir le docteur Bidot pour les yeux, qui était très touchée par les galgos. Et un jour, je me suis dit, un jour, je mettrai ma petite touche. Puis la vie a fait son chemin, voilà. Et puis, il y a une dizaine d'années, on va au salon de la seconde chance à Saint-Dié. Et là, on tombe sur un vendeur d'aliments pour chiens. On discute et dit, ah ben, vous connaissez peut-être l'association des lévriers, les amis des lévriers à Épinal. Oui. Voilà, quand ils achètent des croquettes pour leur galgo, nous, on redonne un temps de pourcentage au refuge de Loli Cantero. D'accord. Donc, en Espagne. Donc, en Espagne. Le refuge que vous me disiez là. Voilà, d'accord. D'où viennent mes galgos. OK. Donc, et là, tout est remonté. Donc, mon mari, j'en avais déjà parlé avant. Il me dit, bah tiens, peut-être c'est l'occasion. Tu sais, si je t'écoute, qu'il me dit, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a pas de hasard. Enfin, voilà. Je suis partie de ces gens qui n'y croient pas au hasard. Donc, ce monsieur nous donne le numéro de téléphone du président de l'association. Vous appelez? Moi, j'appelle pas. Ah. Et puis, mon mari qui me dit qu'il n'était pas animaux du tout. On avait à l'époque quand même un loulou de la SPA de Brouvelieur chez nous. Il me dit, t'as appelé? Bah non, j'ai occupé. Il me relance. Finalement, j'appelle. Deux mois après, il y avait Lugo. Bon, bah voilà. Voilà. Donc, ça, l'histoire démarre comme ça. Alors, vous avez été assistante vétérinaire, vous avez travaillé en EHPAD. Je travaille toujours en EHPAD. Vous travaillez toujours en EHPAD, mais c'est naturel chez vous, le don de vous? Je crois. Vous le faites... Vous avez un parcours quand même assez incroyable. Vous donnez sans compter. Vous n'attendez aucun retour. Non. Votre tour, c'est le bonheur de voir vos chiens ou les gens heureux autour de vous. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je trouve que je ne fais pas encore assez. Et vous trouvez que vous ne faites pas encore assez? C'est tous ces gens qui donnent d'eux à un point pas croyable jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Jusqu'au jour où mon voisin m'a dit gentiment l'autre jour, mais dis-moi, qui c'est qui prend soin de toi? Eh bah tiens, c'est la question que j'allais vous poser. Qui c'est qui prend soin de vous? Et j'y repense encore aujourd'hui. Ah ouais, voyez. J'ai dit, si, moi je prends soin de moi quand même, parce qu'on ne peut pas donner bien si on n'est pas bien. Alors moi je prends un petit peu soin de vous, parce que je fais en sorte que vous puissiez aussi parler de tout ce que vous faites. C'est pas normal de rester dans l'ombre comme ça quand on a un don de soi comme ça. C'est ce que me disent mes lecteurs. Eh ben, et ils ont raison. Alors, Céleste, on va faire une première coupure musicale de votre choix. Et vous avez choisi Gojira, Born in Winter. Donc, attention les oreilles pour certaines personnes. C'est strictement inconnu pour moi. Alors, oh non. Mais peut-être que je connais, mais j'ai pas le titre. L'ouverture des Jeux Olympiques. Ah si, alors ok, d'accord, bien. J'étais un peu... Alors, pourquoi ce choix? Alors, Gojira, donc... Bon, j'avoue que c'était cornélien comme choix de musique parce que j'aurais voulu parler de George Michael, Dido, enfin bref. Alors l'émission ne fait pas 3h30. Voilà. Donc malheureusement, je me suis dit depuis quelques années quelles sont plus les musiques qui me portent, notamment dans l'écriture. Oui. Et c'est un de mes gamins et mon beau-fils qui m'ont mis au métal. Ok. J'étais pas plus que ça. On avait du hard rock étant jeune, enfin voilà. Et ils me font écouter Gojira. Et là, je tombe folle amoureuse de la voix de Joe. Bon. C'est du guttural, c'est du chant crié. Ouais. Et alors, le truc aussi, c'est que depuis, je suis musicienne, et depuis toujours, j'ai voulu faire de la batterie. Et à l'époque, on ne mettait pas une gamine derrière les fûts, ça ne se faisait pas. Donc, tu ferais du piano comme tout le monde, comme ton frère. Ok. Bon. Et là, je me retrouve à entendre un putain de batteur. Et également, mon chanteur, un de mes chanteurs préférés, Keith Urban, donc, qui est américain, qui fait de la pop. Enfin, pop country, qui a un batteur incroyable aussi. Et en fait, ces deux batteurs-là ont créé le déclic. Je me suis dit, bah, 42 ans, j'ai commencé à 42 ans. Okay. Je me mets à la batterie. Et il n'est jamais trop tard. Et ça fait donc... Ça fait quelques années, on va dire. Ça fait 15 ans. Et puis, Joe, le chanteur de Gojira, est vegan comme moi. Ok. Les trois autres sont végétariens. Ils sont français, des Landes. Donc vous vous retrouvez. Ils se battent aux côtés des Indiens d'Amazonie, ils se battent pour la planète, ils se battent pour l'océan. Donc c'est tout naturellement que vous les avez choisis. Voilà, et c'est vraiment des musiciens incroyables. Alors on va découvrir ou redécouvrir et on se retrouve juste après pour cette deuxième partie d'émission avec Céleste. caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Céleste Torino pour son deuxième livre concernant les galgos. Oui, c'est ça. C'est le tome 2. Voilà, Gento & Co, apprivoiser le bonheur. Alors en première partie d'émission, moi j'en ai un peu plus appris justement sur les galgos d'Espagne que je ne connaissais pas. Mais Céleste, comme vous l'avez dit précédemment, vous êtes très investie là-dedans. Vous êtes une personne qui fait beaucoup don d'elle. Ça se voit rien que dans vos professions, d'ailleurs, que vous avez exercées. Mais moi, j'ai une question. C'est quoi une journée classique dans la vie de Céleste? Comment ça se passe? Bon, alors, on va dire avec ou sans le boulot? Allez, sans, parce que je sens qu'avec... Donc, je ne travaille pas aujourd'hui. OK. Donc, je me suis quand même levée à 6 heures en même temps que mon époux. Pendant qu'il préparait le petit déjeuner, je suis partie nourrir les chevaux qui sont en boxe. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas que des chiens, il y a des chevaux? Et des chats. Et des chats. Après, en revenant, j'ai préparé le médicament de deux des chats dans la pâtée. J'ai déjeuné. Nous sommes partis faire le petit tour du matin des trois chiens. Voilà. Ensuite, je suis partie faire mes courses. Très bien. Plus la salle de sport. Ah oui, parce que les journées de congé servent à ça chez les femmes. Plus la salle de sport. Ouais, oui. Un peu de sport. Et puis, je suis revenue, je n'ai même pas encore rangé mes courses. J'ai pris la voiture, j'ai mis mes trois chiens dedans. On est partis en montagne. Ouais. Donc, j'étais contre. Mais vu qu'avec Ruby, la petite nouvelle qui est handicapée, j'essaie d'éviter trop le dénivelé. Ouais, ouais. Donc, on va sur des plateaux. Donc, on monte, on va en montagne. Ouais. On fait aller 10 minutes de voiture et hop, on va faire une heure et demie de marche selon comment elle est en forme. Ouais. Donc, les deux, tout le monde est lâché, tout le monde fait le bazar. Enfin, voilà. Je suis revenue, j'ai préparé à manger pour moi et le repas de mon mari et de mon beau-fils pour demain midi dans un tupperware. On va tout savoir. Ah ben vous voulez savoir, vous savez. Hein. On va tout savoir. Puis j'ai pris la voiture pour venir ici. Bien. Et quand je reviens, il faut que je fasse le box des chevaux côté lâché entre temps. Ben voilà, repromener les chiens. Repromener les chiens, faire à manger pour le soir, la lessive, le ménage, l'aspirateur. J'ai l'impression que ce qui vous pèse le plus, c'est les courses, le ménage, que l'entretien des animaux. Ah non, parce que moi, ça c'est... Ouais, les couches, je m'en passerai, le ménage, déteste oui, ça. Bien sûr, mais on n'a pas le choix. J'ai pas le choix. Bah oui. Mais moi, et je si on dehors. Pouvait vivre qu'avec nos chiens dehors. Moi, je serais dehors tout le temps avec mes animaux. Oui, ce serait top. Au boulot avec mes résidents. Ah aussi, parce que maintenant, vous travaillez en EHPAD. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Je suis partie à l'école à 47 ans. Et pourquoi vous avez changé de boulot? Vous en aviez assez? Non, ils sont partis en retraite. Et du coup... J'ai eu d'autres propositions, ouais. Mais j'ai vécu 15 années incroyables. Ah oui. J'ai fait des trucs, je n'avais pas le droit de faire. Vous saviez que ce ne serait pas aussi bien ailleurs? Non, j'avais des trucs, je faisais des trucs que je n'avais pas le droit de faire. Ah, ok. On ne dira pas au micro? Non, on ne dira rien. D'accord. Donc voilà, donc non. Et puis, j'ai pris 2 ans de congé parental pour mon quatrième enfant. Ok. Et puis, j'ai touché à la DMR. Je suis partie parce que je n'étais pas d'accord avec leur façon de gérer ce qu'on appelle les clients. Ouais. Je me suis retrouvée faisant fonction à l'EHPAD de Bussan. Et j'ai eu un coup de foudre. Et ça vous plaît? J'ai eu un coup de foudre. Ouais, vous vous retrouvez. Et puis une de mes jeunes collègues m'a inscrite à l'école et à 47 ans. Bah c'est génial. Et maintenant je suis fonctionnaire. Voilà. Et puis en plus Et j'amène les chiens. Et vous amenez les chiens. Bah voilà. Et on a 2 chats à l'EHPAD qu'on a sauvés de dehors. Vous n'arrêtez jamais? Non. Alors justement, Céleste, moi je trouve que votre amour des animaux, votre patience et votre courage font de vous une femme d'exception. Si vous êtes d'exception, j'en connais pas beaucoup comme vous qui donnent autant d'elle. Vraiment. Et ça, je veux que vous le gardiez en tête. Le jour où vous n'avez pas le moral, dites-vous que je vous l'ai dit. Quels sont les plus beaux mots des personnes qui viennent vous rencontrer? Il y a des larmes. Je suis très touchée. Ils me voient, les yeux se mouillent. Je ne comprends pas. Parce que vous faites tout ça tellement naturellement. Je suis gênée. Ne le soyez pas. Et puis, c'est les merci. Et puis, c'est quand j'ai voulu arrêter d'écrire il y a quelques mois. Je n'étais vraiment pas bien. Il y a eu la mort de Lugo. Et puis... J'ai eu un ami auteur qui m'a fait beaucoup de mal. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. D'accord. J'ai dit, j'arrête tout, j'en ai marre, voilà. Et j'ai des. Aux Imaginales, j'ai des lecteurs qui sont venus me trouver en pleurant. En me disant, il ne faut surtout pas arrêter, je fais quoi moi sans vos bouquins? Voilà. Vous vous rendez compte, vous savez pourquoi vous faites ça? Et la boucle est bouclée quelque part. Vous sauvez des chiens, vous vous occupez des animaux, vous le couchez sur le papier, les gens vous lisent, ça leur fait du bien, ça fait écho, vous avez bouclé votre boucle. J'essaye d'apporter en fait du bonheur dans mes écrits, et quand les gens qui ne me connaissent pas viennent me voir sur le stand, je leur dis, dans le monde actuel dans lequel je ne me reconnais pas, au niveau de la violence, la cruauté, de l'égoïsme, tout ça, je dis, moi j'essaie de mettre des petites bulles de lumière, de soleil. Alors, ils me disent, mais vous abordez des sujets qui sont quand même graves. Je dis, oui, mais

dernière partie d'émission de Caprice de lecture dédiée, eh bien, je dirais, au sauvetage d'animaux dont la vie peut paraître désespérée. Avec Céleste Torino, donc pour son deuxième livre, Gento & Co, Apprivoiser le bonheur. Et Céleste, après nous avoir dévoilé un petit peu ses secrets de fabrication, va nous dévoiler son caprice de lecture. Céleste, c'est à vous la parole. Donc en fait, j'ai hésité à parler soit de Mireille Calmel, Marie-Bernadette Dupuis, Éric-Emmanuel Schmitt, enfin bref, il y en a plein. Et finalement, pour me définir, je prends pas du tout un roman, mais plutôt... on va dire un essai de Marie-France Irigoyen sur le harcèlement moral. Et le sous-titre, c'est la violence perverse au quotidien. Simplement pour un petit peu faire le tour de ma personnalité, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas terriblement souffert en vivant avec deux manipulateurs narcissiques. Donc j'ai connu surtout la violence psychologique. Et les coups viennent une fois que, ben, on se rebelle de ce carcan. Et là, le jouet est cassé, c'est plus possible, donc les coups arrivent. Et ce qui m'a sauvée, à chaque fois, je suis partie pour mes enfants. Que moi, on me fasse du mal. Oui. C'est une chose. Je le mérite, apparemment, ils m'ont tellement dit. Mais l'instinct maternel... Mais on touche pas mes gamins. Il est bien plus fort, donc on protège les enfants. Donc si mes gamins commencent à avoir du harcèlement, quel qu'il soit, au revoir. Je prends mes bestioles, mes gamins, on s'en va. Et donc, ce livre a été la première fêlure dans comment cette étiquette qu'on m'avait enveloppée dedans. Enfin. On vous a fait croire que vous étiez ça. Moins que rien. Okay. Une sous-merde, comme on m'appelait tout le temps. Et j'ai pas compris que le premier, j'ai renouvelé que le deuxième. Et puis ce livre est arrivé. Jamais de hasard, n'est-ce pas, Sarah ? Tout à fait. Il n'y a pas de hasard. Et puis, mon grand a fait une tentative de suicide, plus un appel au secours. Et donc, il se retrouve à l'hôpital. Le pédopsychiatre coupe tout contact avec la famille. Et au bout de 2 jours, me recontacte en me disant « Je veux bien que ce n'est pas la maman, le problème. C'est le papa et le beau-père. Ouais. » Donc, et il dit « Il faut que je discute avec vous. » Et il me dit « Votre gamin, il a beaucoup de soucis pour vous. Donc, si la maman ne va pas bien, l'enfant ne va pas bien. » Donc, voici la carte de mon épouse qui est psychologue. Ok. Et là, vous y avez été. Moi, je m'occupe du gamin. Vous, vous occupez de vous. Ah, vous êtes tombée sur quelqu'un de bien. Et là, tout s'est enchaîné. Voilà. La pelote de laine, vous avez tiré le filet, ouais. Et voilà. Donc cette psychologue incroyable qui m'a mis des coups de pied aux fesses, ouais. Qui avait, sa personnalité correspondait, enfin, oui, elle agissait vous étiez en comment, phase, voilà. Ouais. Et ce livre-là est arrivé en même temps. Ah, juste un petit peu avant. Ok, donc là c'était la et première porte ouverte. Barbouillée de jaune. Bah, c'est vous. Mais c'est moi. Voilà. Voilà, où on me déculpabilisait en fait. C'était votre soin en fait. C'était le premier soin. Bah voilà. Vous pouvez rappeler le titre, s'il vous plaît, Céleste ? Alors, donc, c'est le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien de Marie-France Irigoyen. Et c'est un livre qui est encore d'actualité aujourd'hui. Plus que jamais. Plus que jamais. Je tiens à préciser, on en parle toujours des manipulateurs. Mais il y a tellement de manipulatrices. Bah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Céleste. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Je répète encore et toujours que vous êtes un modèle de résilience et une femme d'exception. Avec tout ce que vous faites, ça vient du cœur. C'est pas un compliment. J'aurais pu tourner ma voiture. Mais si, vous allez pouvoir. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Sarah. Et on se retrouve très très vite pour de nouveaux caprices de lecture. À bientôt. Au revoir.